طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فأمس دخلنا في المجرورات المخفوضات وقلنا أنها ثلاثة أنواع: ما يخفض بالحروف على حروف الجر سواء على المضاف وسواء على التوابع بتتابع إلى مجرور جديد. وشيء نسيت أن أذكر أمس من باب الفائدة تغطوها مذ ومنذ. مذ ومنذ سوني حروف جار أكونديسيون أن يأتي بعدهما اسم، مثلا ما رأيت منذ يومنا، لا سموالا منذ سيان حرف جار مثل جملة أنتية كمان دائرة، فهنا يكون ماذا؟ ظرفا، يعني ظرف زمان. يكون مثلا ما رأيت منذ يوم سافر، ما رأيته منذ يوم سافر، فهنا منذ ثبت ظرف زمان. موث كذلك تشوفوا اسم مفرد كي بعد منذ وموز لوكلال على لابس سون دي حروف جار سي ام سي ان فراز انتير كي بيان سون دي ظروف ظرف زمان. ايجالمون parmi les حروف جار كي نون با ايتي سيتي يا سي كون ابري دون ماذا باب الاستثناء عدا وحاشا وخلا سي ام يا اسم مجرور كي بعد دايير سون دي حروف اون افي دي سينون سون دي افعال. طيب اليوم سناخذ الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف. قال هذا لا لموت ما كونسيرن با سيت بارتي لا، سي لو شارح كي راجوت سولا داكور، لان اصلا هو تابع للمحفوظات سافا افيك دون لو موت ني ريان كي بارل دو سا، مي نورمالمون ينبغي للمدرس ان ينبه على هذا كما لا فعل الشارح. فقال ينقسم الاسم المعرب من حيث قبوله للتنوين وعدم قبوله الى قسمين. دونك اسم معرب بارابو تنوين او سون نون اكسبتاسيون دو تنوين الى دو كاتيجوري. قسم يلحق اخره التنوين نحو زيد وزيدا وزيد يسمى منصرفا. دونك لو اسم كي اكسبت التنوين ولابل اسم منصرف. وقسم لا يلحق آخره التنوين ويسمى الممنوع من الصرف أو الاسم الذي لا ينصرف. دونك celui qui n'a pas de تنوين اصلا pas pour une cause، par exemple المضاف il prend pas de تنوين، c'est pour une cause à la base il a un تنوين، فهذا on l'appelle ممنوع من الصرف ou sinon on l'appelle الاسم الذي لا ينصرف. وهو سنفصل فيه القول بعون الله تعالى في هذا الباب. Et la base c'est que les asma sont munawwana. هذا هو الأصل. يا تنوين. Mais là, pour des causes particulières, ces asma-là auront un حكم خاص. قال والممنوع من الصرف تعريفه هو الاسم المعرب الذي لا يلحق اخره الكسره ولا التنوين. كما بنجي اساس الممنوع من الصرف كي نكتب با التنوين اي كي نبا كسره ولا خفض. حكمه يرفع بالضمه ينسب ينسب جر بالفتحه. داكور صرف سيك الضمه سو نصب سيك اسم جر سيك الفتحه. ثم يقول الممنوع من الصرف على نوعين. سوف تبقى هناك تابلو pour ce درس là mais ان شاء الله سنستعين بالله on va faire comme on peut. On va se baser sur le tableau qui est le schéma qui est à la fin du درس. Ah non c'est bon on va là que tu as fait bien ان شاء الله. Si tu ركز bien ان شاء الله tu vas comprendre. C'est juste qu'il y a besoin de précision. Donc il dit les deux catégories. نوع يمنع من الصرف بسبب علة واحدة. qu'il y en a un, il est rendu mamnou sarf pour une raison, une cause. Et l'autre, c'est pour deux causes qui se réunissent. Il y a des noms, si une cause est présente dans ces noms-là, ils deviennent mamnou min sarf. Et tu en as d'autres, si deux causes principales se réunissent en ce même nom, elles le rendent mamnou min sarf. Donc là, il va commencer par lequel ? Celui qui n'a qu'une seule cause. Si tu trouves cette cause-là dans un ism, fa'alam annahu mamnou min sarf. Qal. Donc là, c'est deux formes de noms. Attention, ces noms qui n'ont qu'une seule illa qui les rend mamnou min sarf, on a deux sortes de noms. Après, c'est du par cœur. Enfin, c'est du par cœur. Tu connais tel genre de nom, c'est ça, tel genre de nom, c'est ça, c'est réglé. Awalan, el ismu el makhtoum bi alif et ta'nif. El maksoura, nahou, leila, wa hubla, wa jarha. أو الممدودة نحو سحراء وبيضاء وعلماء وغير ذلك. Donc tout ism qui se finit par un alif ta'nif, comme par exemple alif maksoura qui est la forme d'un ya, comme l'exemple qu'il donne, Leila, Wahubla, Wajarha. Taïeb, si tu vois à la fin un alif, ou alors alif mamdoud, c'est-à-dire c'est le alif qui est suivi de Hamza. Comme Sahara, A, Bayda, A, Ulama, A. Les noms que tu vois comme ça, la illa, c'est quoi? C'est ce alif. Fa il est mamnou min sarf. D'accord? Il est mamnou min sarf. C'est quoi la cause? Alif et ta'nif. C'est une seule cause, une seule illa. Fahimta hadha? Après, il y a des dawabit. Comme on sait à quel moment ce ism rentre là-dedans. En dessous, le site, dans les fawa'id. Déjà, là, parmi ces noms-là, ce sont des jams. C'est le ulama, c'est le jam de alim. C'est le asdiqa. Ça rentre dedans. C'est le jam de sadiq. Uta, umala. C'est le jam de amil. Beaucoup, ils sont comme ça. Et quand on dit alif, alif et ta'nif, c'est un alif féminin qui n'inclut pas que an takun al-kalima hiya mu'annatha kadhalik. Yusama kadha, alif ta'nif. Donc les shurut, la tumna' ou la tamna' al-alif al-ism min al-sarf illa idha kanat za'idatan. D'accord ? Il faut que l'alif ne soit pas d'origine. C'est un alif qui est rajouté dans le mot. Ala wahid. Masalan, ulama. Wa alaykoum salam. Masalan, ulama. C'est quoi le os du mot? Aïn, lam, mim. Ça vient de alima, de ilm. Est-ce qu'il y a un alif dedans à la base? Non. Idhan a dit alif, za'ida. Tamam? Short awel. Short thalith. Anna hadil alif ta'ti. Taïb. Fi kalimat tatakawan min. Salas kalimat fasa'idan. De trois mots minimum. Trois lettres à fond au minimum. Trois lettres au minimum. Si elles en ont moins, ça ne rentre pas dedans. La falen, ulama, il y a combien? Aïn, lem, mim, trois. Asdiqa, on a le hamza, le sod, le del, et après on a. Aïwa. Donc ça fait trois au minimum. Donc ça rentre dedans. Ashia, le jam de Shay. Kazalik, il y a trop le fihada. Min shawahid hadha an-nu' min al-Qur'an al-Karim, qawluhu ta'ala, wa la tas'alu an ashiya'a. Ma qala an ashiya'i. An ashiya'a. فهنا لا ناهية حرف الجزم طيب مبني على السكون لا محله من الإعراب تسأل فير مضالع مجزوم بلا وعلامة جزمه ماذا؟ حصل النون لأنه من أمثلة الخمسة. أحسنت. واو جماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل حرف فاعل. عين حرف الجار. أشياء ومبني على السكون لا محل له من العرب. عن أشياء. أشياء هذا اسم مجرور بعن وعلامة جره الفتحة. النيابة ونيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف. هذا. والجار مجرور عن أشياء متعلقة بماذا؟ تسأل. الفعل. سأخشى الفعل. بلي بس هذا النوفل تاب كنا قي. من نوع الجار مجرور. تسيت أكو اسم أخشى. متعلقة بماذا؟ هنا الشاهد أشياء. تمام؟ أشياء. Donc ça c'est النوع الأول الذي فيه علة واحدة تجعله ممنوعا من الصرف. Une seule cause, هذه الألف. ثم نوع ثاني منها الذي في علة واحدة. Deuxième catégorie de ces noms qui ont une seule علة. قال صيغة أو صيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع. كما تعلم أن الأسماء en arabe لها عدة جموع. Alors plusieurs pluriels d'un même mot. Et certains pluriels ont des fois un sens de plus grand nombre. مثلا on a le jam qilla ou le jam kathra. On a un pluriel qui s'utilise pour un nombre qui va de 3 à 10, si je ne me trompe pas, et un pluriel qui va pour un nombre plus grand. Ça ne veut pas dire que ce qui vient derrière les nombres, مثلا, au-dessus de 10, prennent un pluriel. On a dit c'est un tamiz, mansoub, à la base. Là, on parle, مثلا, sans nombre. Tu vas dire, مثلا, ja'a, ulama. مثلا, tu peux dire, ja'a, alimoun. Regardez les cas. Là, le but, ce n'est pas de prendre le jam kella ou kathara. C'est que tu saches qu'il y a des pluriels, différents pluriels, ils ont différentes. Ils peuvent définir un nombre de plus en plus grand. Al-Muhim, anna hadha al-jam, yusamma bi sira muntaha al-jumu', c'est le dernier jam qui existe. Il n'y en a pas d'autre derrière. C'est pour ça qu'on a muntaha al-jumu', à la fin des pluriels. C'est le plus haut niveau de jam qui est. فهذا الجمع هو كل جمع بعد ألف تكسير حرفا أو ثلاثة أوسطها ساكن. مثلا c'est ce qui vient à la wazn en fait. مفاعل أو مفاعيل. ما يأتي à la wazn مفاعل أو مفاعيل. هذا. مثلا أساورة مصابح ومحارب ومحارب مساجد مفاتيح غير ذلك. انتبه لا يلزم أن يكون مبدوء بميم. ما يلزم مثلا أصاور كما صفى ميم. Il a bien dit c'est tout le jam qui a après son alif, une kasra et deux lettres. Ou trois lettres. Masalan, asawir. Après le alif de asawir, on a quoi? Harf maksour. Wa alaykoum salam. Harf maksour. Wa thumma, anana waw wa ra. On a deux lettres. Ou ça peut être trois. Des fois, c'est un met d'ya. Masalan, masabih. Masabih. Là, on a trois lettres après le alif. Donc, هذا هو الاسم الذي فيه علة واحدة تمنعه من الصرف. فهمت هذا؟ وعليكم السلام. قال ومن شواهد هذا النوع قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. Donc là, on a الشاهد مواطن. Il n'a pas dit مواطني. مواطينة لماذا؟ هذه صيغة منتهى الجمعة. وقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. طيب بمصابيح. دونك لا مصابيح الى مجرور با ب لكن علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. فهمت هذا؟ دونك سا سي القسم الأول celui qui est ممنوع من الصرف لسبب علة واحدة. On a dit il y a deux formes de nom. الذي آخره ألف تأنيث ممدود أو مكسور comme مثلا حبلاء ou comme مثلا علماء. D'accord. Et deuxième forme de nom, ma jaha ala sirat muntaha al-jumu'ah. Ala waz mafa'il ou mafa'il. Donc dès que tu vois un de ces deux-là, aratul mamnou min al-sarf. Taïb. Thumma yaqul, thaniyan, ma yumna'u min al-sarf, bisabab illatayn. D'accord. Bisabab illatayn. Qu'il y a deux causes. Deux causes principales. Et chacune des causes est liée à une cause, مثلا, t'as une illa asliya ou une illa far'iya. Très bien, avec moi à la fin. J'ai deux qui est à la fin là. Que tu comprennes. Nahnu al-an, akhadna hada. Très bien. نحن أخذنا هذا. طيب السبب واحد علة واحدة سيكوا المختوم بألف تأنيث ça c'est un et l'autre صيغة منتهى الجمعة celui-là علة tout seul c'est ça la sa علة et l'autre sa علة tout seul c'est ça sa cause. Maintenant on prend ceux qui ont deux causes. Il y a deux causes principales sous lesquelles viennent d'autres causes qui sont des branches. Al-ilah al-oula al-asliya al-asasiya al-alamiya. Wa thaniya al-wasfiya. C'est-à-dire, soit le ism il rentre sous cette ilah là, qui est la principale, et tu lui ajoutes une deuxième. Ou alors il rentrera sous cette ilah là. Et tu lui ajoutes une deuxième. Tu n'auras pas ces deux-là ensemble. Ça, c'est les deux têtes. Fahimt? Tayyib. Al-alamiya, même al-alamiya, tout ce qui est, il y a une nomination d'une chose comme un nom propre. Fa'idha wajadta fi fil ism illa alamiya za'ida ala ihda al-ilal al-far'iya fayumna min al-sarf. Et les ilal far'iyya sont 6. Donc toi, deux principales, et sous ces deux principales, tu en as 6 autres qui se proposent. Si l'une de ces 6 rentre avec celle principale, comme un mélange chimique, ça donne quoi? Un mamnou min al-sarf. Ces ilal far'iyya, qui sont les branches, on les nomme, après on va prendre l'exemple, al-ta'nif, le féminin. On a Al-Ujma, tout ce qui est non-arabe. On a Tarkib Al-Majdi, c'est-à-dire deux mots qui sont assemblés, qui en forment un seul. Indana Wazn Al-Fi'l, ce qui ressemble à un verbe, en apparence. Ou Indana Al-Adl. Al-Adl, c'est un peu plus dur à comprendre, mais en vrai, c'est pas dur, c'est un mot qui est dérivé d'un autre et qui arrive sous une certaine forme, un certain Wazn, à la Wazn Fu'al. Mais à la base, ce Fu'al, il est pris d'un autre Wazn. Donc, là, dans la alamiya, tu peux trouver les 6. Soit celui-là avec alamiya, soit le deuxième avec la alamiya, soit le troisième, soit le quatrième, soit le cinquième, soit le sixième. Deuxième, wasfiya, lui, il n'y en a que 3 far'iyya qui entrent dedans. Parmi les 6. 3 seulement, pas 6. On a wasfiya, soit avec wazn al-fi'l, forme d'un verbe. Wasfiya avec el-adl. Wasfiyya avec Ziyarat Alif Noun. Je ne l'ai pas lu dans l'autre, je crois. Ah, je n'ai pas lu dans Alam Ziyarat Alif Noun. Enfin, celui-là, il n'y en a que 3. L'autre, il en a 6. Donc maintenant, on va énumérer. Al-Alamiyya. Là, on nous requise à l'Alamiyya. D'accord? Al-Alamiyya. On a, un nom propre. Il y a un nom propre féminin. Mathalan, yakun mamnou' min sarf. Ou une forme féminine. Mathalan, Fatima. Fatima, c'est un nom propre ou pas? Oui. Alamiya. Et c'est un nom de femme. Donc là, on a les deux ilas qui sont réunis. Khalas, mamnou' min sarf. Takul Fatima tu. Aisha tu. Maryamou. Ghali zalika. Tu dis, mathalan, sallamat Fatima tu ala, mathalan, Aisha ta. ما عندي ما عندي ابيض على الاسف تاتش بيكس هاي كنا هذا قلم رصاص تاتش اللي مساحه قلم حبر عفوا نشغل بحبر انت زيد تثبت تمام وانتبه التأنيث قد يكون معنى قد يكون Lovzian. Ça peut être le sens comme par exemple Mathalen Hakiki, la Fatima, son femme, ou ça peut être un ism qui a une forme de nom féminine, mais qui n'est pas féminin. Hamza, Muawiyah, Mathalen, Tolha, Hadil Asma, Zahura et Ta'anith, la Kinya Muzakara. Tatroulfi. Elle rentre dedans. Deuxième, Alamiya, Ma'a, Al-Ujma. Si on trouve un nom propre, Alamiya, qui est un nom non arabe. يدخل فيه كل اسم أعجمي طيب من في عالمية اللي ممنوع من الصرف مثلا إبراهيم إسحاق إسماعيل يوسف يعقوب فهمت آدم ce sont des noms non arabes même aujourd'hui dans les noms de notre époque واحد اسمه جورج أم جورج Si un étudiant en arabe, il va être Mamnoun Sarf. Ou il s'appelle Philippe, il faut dire Philippe, mais c'est en arabe. Philippe, on va dire arabe parce qu'il n'y a pas de P en arabe. On va dire Philippe, il va être Mamnoun Sarf. Pourquoi? Ism Ajami ou Alamiya. Les deux ensemble, ça donnait ça. Troisième, At-Tarkib Majzi. Comme à Zakarna, Wan Yatarakab Kalimatan Hatta Tassir Kalima Wahida. Deux mots assemblés. Qui en font un seul. Taïd Chouya. Mithal ma'arouf, al-azim makin nahnoufi, hadramout. Maman hadramout, fiel hadara, hadara, yahdourou, bad, mout. Hadara, mout. Ala tarkib majzi. Asbaha, kalima wahida, c'est un seul nom, un nom propre. Tu dis, mithalain, أنا جالس في حضرموت ذهبت إلى حضرموت طيب quand on a un tarkib entre deux mots c'est devenu un seul رابع وزن الفعل يعني Tout nom propre qui a une forme d'un verbe, il y a trop le fait. Mathalen, Yazid. Yazid, elle a ism, ça Ism Rajul. Lakin shaklu kaif mudari min zada Yazidu. Il ressemble à un verbe. Zada Yazidu, c'est le mudari Yazid. Et là, c'est devenu un prénom. Mathalen, wahid ismu Yaslam. Quand tu sais, tu as Yaslam. À la base, c'est le. C'est le mudhari de Salima Yaslam. Andek Yashkour. Wakazalik Asma Mith Asma Tafdil. Mathalan, Ash-Shars ismuhu Afdal. Yadkhul fi. Là, on voulait Alamiya. Parce que dans le Wasf, ça va venir aussi. Ça rentre dedans également. Mais là, on veut Alamiya, un nom propre. Ismu Arsen. Fahaza, idha summiya bi, que c'est un Alamiya, mélangé avec un waznefir, ça fait un ism, un nom sarf. Fahimt? Taïb. Thumma, ziyadat al-alif wa al-nun. Ziyadat al-alif wa al-nun. يعني اسم زيد في آخره ألف ونون مثلا عثمان لاباس سي كوا سي لو عين لو ف و لو ميم سابين لا الاصل مو زيد في آخره الألف والنون عثمان تقول سلمت على عثمان او قال عدنان مثل هذا والشخص اسمه شمسان هكذا si c'est un alif et un nom qui ne sont pas d'origine du mot du nom خلاص et que c'est un nom propre à l'ami il y a trop le fait والسادس العدل العدل يعني هذا اسم جاء على وزن فعل وأخذ من غيره مثلا عمر سي معدول دو عامر على باس سي بري دو عامر سي ديفني عمر دونك سي اميت ان اسم معدول على وزن فعل طيب سي ان بري نوم سي ان نوم بروبر على ميا وعليكسان يكون ممنوعا من الصرف دون دو اكزومبل سون هو يا حبل يا زحل هكذا فنعيد لا علة أساسية العالمية سي لا تت سي سي ميلونج اون دي سيز كي سون دي فرعية لو اسم جمع من الصرف سي اون ان عالمية افيك ان فيمينا تأنيث عمل الصرف فاطمة سي اون عالمية qui vient avec un mujma en arabe, Miss Ibrahim, c'est mamnoum la sarf. Si on a un alamiya mélangé un tarkib majdi, comme مثلاً Hadramout, مثلاً, ça va donner un mamnoum la sarf. Si on a un alamiya avec wazn al-fir, qui est une forme d'un verbe, yakoun mamnoum la sarf. Wa alaykoum salam. Iza indana alamiya avec ziyarat alif wa nun, comme Othman, comme Adnan, comme Shamsan, ça devient Mamnoum al-Sarf. Et si on a Al-Alami avec Al-Adl, c'est-à-dire un nom qui vient à Wazn Fou'al, qui est dérivé autre chose de son nom propre, Yakoun Mamnoum al-Sarf. Fahimta hada? Hada fokot tartij al-Hifz. C'est pas compliqué. Tartij fokot turatti fi ra'sik. Thumma, donc on a bien deux illa, soit alamiya wa ta'nith, soit alamiya wa ujma, soit alamiya wa tarkib, soit alamiya wa wazn al-fi'l, soit alamiya ma'a ziyarat alif wa nun, soit alamiya ma'a adl. On a deux illa. Ou alors, on a choisi l'illa l'assassia thaniya, qui est l'wasfiya. Qui est lié à une description. L'autre c'était alamiya non propre, l'autre c'est description. Sinon c'est wasfiya. Mélangé à une des trois, c'était les six foraïa qu'on a appris précédemment, l'ism yakoun mamnoua min al-sarf. Indana al-wasfiyya ma'a wazn al-fi'l. Si on a un truc qui est un descriptif qui est sous la forme d'un verbe, ça yakoun mamnoua min al-sarf. Mathalen, abiyad. Les couleurs, toutes les couleurs, abiyad, aswad, ahdar, ces couleurs-là, ces noms de couleurs, afouen, viennent là-dedans, car c'est un descriptif. Et abiyad à la wazn af'al, comme un verbe. Les noms également des défauts. A'war, a'ma, fahimt, a'raj. Ce sont des awsaf. Ils viennent à la wazn fi'al. Asma tafdil, akbar, afdal, askhar, atwal. Ce sont des awsaf. Et ils sont à la wazn fi'al. Ils ressemblent à un verbe. Donc, tu as trouvé ça. Thanien, tu trouves cette wasfiya description avec adl. Maintenant, c'est plus un ism. C'est un mot qui est dérivé d'un autre. كيباس وزن لا مثلا مثنى سي معدول دو اثنان اثنين عندك ثلاث على وصف فعل ثلاث سي ماخوذ دو ثلاثة ثلاثة عندنا ربع سي بخي دو أربعة أربعة كما جاء في كل الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع et vous ce que vous voulez parmi les femmes soit deux مثنى ça vient de اثنان اثنين ثلاث ça vient de trois ربع ça vient de quatre فهمت donc là c'est un عدل après le باب العدل dans le wasfiyah il est large il y a d'autres qui rentrent dedans et ثالث زيادة ألف والنون dans les أوصاف comme مثلا شبعان c'est quoi شبعان qui est rassasié غضبان qui est en colère il y en a ils ont mis تعبان en vrai تعبان il n'y a pas de أصل تعبان je ne trouve pas dans le Qamus Arabiya en fait c'est متعب تعبان c'est un mot jadid en vrai quand même عندك سرعان عندك سكران celui qui est ivre سرعان qui est rapide غير ذلك. Si tu vois un wasf وزيد في آخره ألف ونون يدخل في هذا. فهمت هذا؟ طيب. هذا فقط تحتاج ترتيب في رأسك. ستو. إذا فعلت هذا فحمد الله الأمور طيبة فهمت الممنوع من الصرف. Et parfois tu peux avoir مثلا certains أسماء تنتقل من علة لعلة. Un exemple. مريم ماذا في عندنا في مريم هنا عالمية ها اي تأنيث également عالمية اي عجمة مثلا هنا يوسف ويعقوب سي كوا عالمية وعجمة سي كوا également وزن الفعل فهمت يعقوب يوسف صح ما فيها ما يمنع ان تو une علة tu peux trouver d'autres علل mais si on a deux minimum qui s'ajoute dedans, la principale plus l'une des six petites, Foraïa, khalas. Maintenant, des fois, tu peux avoir une deuxième parmi les Foraïa qui rentrent. Tu en auras trois. Nous, on se demande deux seulement. Si tu en as trouvé deux seulement, qui revient une à la Alamiya ou une Wasfiya, j'ai ajouté une des six petites, khalas. Tu as un mamou de sarf. C'est comme je te dis, c'est un mélange chimique. Tu le mélanges, ça donne ça. Tu prends telle chose, tu mélanges telle chose, ça va donner tel résultat, automatiquement. سنقرا لا نكسبيكي لا لا on va redire juste ce qu'il dit dans le livre tu vois لان هذا يحتاج الى نظره يحتاج الى فيزيو quand si on aurait lu comme ça là tu aurais peut-être pas compris mais qu'un visuel un tableau c'est généralement j'ai vu les gens comprennent tout de suite moi la première fois que j'ai fait ma monosorf j'étais chez les Izbi encore à Chihar le prof il a fait le ders je suis sorti j'étais vaincu je lui ai dit bah, pourquoi je dis 1-0 pour toi je dis pourquoi je suis sorti de ton ders, j'ai rien compris. Tu vois. Et après, j'ai refait le ders avec une meilleure approche. Et après, j'ai conçu dans ma tête, je me suis dit, en fait, c'est tout simple. C'est moi, je suis parti trop loin. Et comme j'ai pas de visite devant moi pour Wasfiya, Alamiya, je comprenais rien. C'est-à-dire quoi, Wasfiya, Alamiya, Far'iya, Asasiya, je fais, c'est quoi tout ces ya, là, je comprends pas. Et après, j'ai compris, Alhamdulillah Ta'ala, et j'ai dit, en fait, c'est facile. Ça paraît comme ça gros au loin, mais en fait, quand tu rentres dedans, c'est pas si dur que ça. Ceux qui posent un problème, des fois, c'est l'adl. Les gens ne savent pas trop c'est quoi l'adl. Tu vois, juste ça. Les autres, c'est sahl. Faqala. Qala. Alladhi yumna'u min as-sarf bi sabab 'illatayn, imma an yakuna 'alaman aw wasfan aw sifatan. Donc il a dit, c'est soit il rentre dans un 'alam, nom propre, ou sifa, description. Fal 'alam yumna'u min as-sarf fi sittat mawadi'. Comme on a dit, avec six choses, en six situations. On appelle ça des ilal far'iyya. Il y a des causes, il y en a qui sont des branches. Ce ne sont pas les principales. Idha kana mu'annathan, si c'est un féminin, nahu Hamza, Maryam wa Aisha. Nom propre, féminin, maman wa sarf. Idha kana a'jamiyan, za'idan ala thalath ahruf. Kadhalik, c'est un short qu'on a bien précisé. Que c'est un a'jami qui a plus de 3 lettres. Et certains, ils ont dit aussi, il faut que la lettre du milieu soit Sakina. C'est d'autres shurut. Comme par exemple, Uhud, Nuh. Bien que Uhud, à la base, c'est un arabe. Et Nuh, c'est un arjami, lakin, il n'y a pas les shurut. Nahu, Ibrahim, Ishaq, Yaqub. إذا كان مركبا تركيبا مجزيا غير المختوم بوهي comme on dit تركيب مجزي et à la fin faut pas qu'il y ait وهي si il y a وهي ça va devenir ممني وهي c'est un اسم صوت يسمى اسم صوت c'est des choses qu'on rajoute à la fin d'un prénom مثلا سيباوي à la fin on a ajouté وهي مثلا toi demain ton Sofiane on dit Sofiane وهي Moi, tu es devenu un mebni. C'est un ajout qu'on fait, c'est un souba arabi, ça existe. Si jamais ce ism, majdi tarkib, on rajoute à la fin, oui, khalas, il devient mebni. Mathalen, ba'alabak, ou hadramout. Ou Mardi Karib, ce sont des noms mélangés. Il a dit, مثلاً, Hadramout Ma'alouf. Ou Mardi Karib, c'est Ism Shars, qui est Mourakab. Et Ba'alabek, c'est devenu le nom d'un sanam. J'ai un doute. Ou Izakana Mahtouman bi Alif wa Noun Zaylatayn. Ajoute Alif wa Noun. Othman. Marwan, Adnan, tamam, hakadha. Idha kana ala wazn al-fi'l, sur la forme d'un verbe. Nahu Ahmed, wa Yazid, wa Taghlib. Ahmed ala wazn af'al. Mahumma un verbe. Sadisan, idha kana ma'doulan, nahu Omar, wa Zuhal, wa Hubal. قال ومن شواهد العلم الممنوع من الصرف في القرآن الكريم قوله تعالى ألقاها إلى مريم donc les exemples de ce علميه mélangé à une de ces causes مريم وقوله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم إبراهيم علميه وعجمة donc ça c'est la première catégorie qui est تحت العلمية on a mélangé deux causes علمية et une de six ثم الصفة الوصف ومنوج avec les trois تمنع من الصرف في ثلاثة مواضع أولا إذا كان على وزن الفعل donc maintenant description avec وزن الفعل نحو أحضر وأكرم وأحسن كما ذكرنا nom de couleur اسم تفضيل nom de défaut غير ذلك ثانيا إذا كانت مختومة بالألف والنون زيدتين كذلك ورجوت ألف والنون avec description عطشان جوعان غضبان مثل هذه ثالثا إذا كانت معدولة نحو مثنى وثلاث وربع سكي معدول قال ومن شواهد الصفة الممنوعة من الصرف قوله تعالى وحيوا بأحسن منها فشاهدنا بأحسن منها أحسن سيكوا سي وصف مع وزن الفعل أحسنت وعلم أنه إذا أضيف الممنوع من الصرف أو أدخلت عليه ال فإنه يعود إلى أصله فيجر بالكسرة هذا شرط سيما الممنوع من الصرف يدفين مضاف ولو هي ال كي عن دون سيفيني يجر بالكسرة نحو قولي تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فهنا الشاهد في أحسن تقويم ما قال في أحسن تقويم فوقوا أفكر أحسن لا إليه مضاف مضاف وقوله كما ذكرنا ونحو قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد وأنتم عاكفون في المساجد فالشاهد هنا المساجد à la base, ça aurait été Masa Jida. Siyara Muntahe le Jumour. Celui qui a une seule illa. Lakin dakhala fi al. C'est pour tous, ça. Pour tous les membres de Nassaf. S'il y a elle qui rentre, pas même, ou qui a, il devient Moudaf, il gère Bikasra. نعم فهمت هذا؟ طيب هذا الذي أخذناه اليوم من الاسم الممنوع من الصرف طيب اليوم رجعنا للتمارين جدفاء عليك أن تجد أين الاسم الممنوع من الصرف. Trouve le dans les ayats. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أن له ذكرى أن له ذكرى جهنم عالمية تأنيث c'est la cause عالمية et تأنيث c'est un féminin et c'est un nom propre. Je crois qu'ils ont dit aussi عالمية الله أعلم ثانيا يعملون له ما يشاء من محارب وتماثل محارب أيوة وتماثل نعم لماذا محارب إلى وزن مفاعل مفاعل نعم صيغة منتهى الجمع أيوة. ولما رجع موسى لقومه غضبان آسفا غضبان نعم فقط اسف لا من التنوين نعم لا عن دوتر فقط تو كسا موسى عالمية رجمة عالمية رجمة موسى سانو عدمي أيوة. طيب ثم لكذلك tu dois trouver lequel qui est ممنوع من الصرف parmi les asma qui va proposer et tu me dis les علتان أحمد لماذا ما هما العلتان وصفية نعم الفعل وزن الفعل نعم زيد نعم فاطمة نعم هذا سي عالمية نعم وتأنيث نعم أحسنت بقرة لا عطاء نعم اسم رجل اسم نعم اسم رجل وان بلوس فيني افيك ان اليف لا الشروط قلنا ثلاث أحرف الأقل قبل الألف لا يعني دو لتر عين وطاء علماء سلوي نعم لماذا علماء باسكو العله عله واحده سلوي ايوه سلك العله كي تامين بار الف الى ثلاث لتر نعم احسنت شوارع نعم على وزن مفاعل نعم صيغه منتهى الجموع لسان نعم Non, alif wa nun. Là. Là. De toute façon, c'est ni un wasf, c'est ni un alamiya, et en plus, alif wa nun, asliyan. Ils sont dehors, donc il n'y a rien du tout dedans. Arsenta. Taïeb. Fa bifadillahi ta'ala. Aujourd'hui, on a fini le livre. Tamam, fa usika bil muraja'a. Wa kuluma tamur bi shay, salen fi kalam al-arab, tu hawl en tu'adib. Fa desi arab, inshallah. Dans le Coran, hawl en ta'fa. تركز على هذا في الأحاديث. Attention des fois c'est un bête de tashwish dans la salat. Ya Rab. Car des fois dans la salat tu réfléchis à Ya Rab. Tu penses à un truc juste avant la salat et tu dis c'est quoi Ya Rab de Seb en toute la salat tu penses à ça. Et ça c'est une fitan chez le Noha des fois ils font des Ya Rab des fois il y a même pas besoin ils vont trop loin. Tu vois ils vont trop loin. faut pas aller trop loin non plus, tu vois. Hakada. Wa ba'da hadha kama ittafaqna alayhi, on va prendre le ta'bir 4 en faisant une version un peu plus nahwiya. Inch'Allah ta'ala. Fa bi hadha kunna naktafi. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.